En signe de félicitations à la réussite au deuxième lancement expérimental de la fusée balistique coréenne, le secrétaire général du Front populaire des ouvriers, paysans et étudiants du Pérou, Katy Campos Llanto, a publié une communication.